Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Isaïe nous dit que le Seigneur a voulu donner un signe à son peuple. Mais c'est un signe étonnant. C'est un signe vivant. Et le signe est celui-ci, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Donc le signe est celui de cette femme enceinte. Cette femme enceinte. Qu'est-ce qu'une femme enceinte? Hein, c'est une femme qui a un jour au moins été aimée. C'est une femme qui a un jour rencontré un homme qui l'aimait. Et cet amour a été assez fort pour susciter une autre vie, une vie nouvelle. Donc, le signe d'une femme enceinte, c'est le signe d'une part d'une rencontre d'amour. Donc, la femme enceinte est à la fois un signe, une mémoire d'un passé, et en même temps, une promesse d'un futur. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Donc, dans la femme enceinte, il y a une mémoire d'une grâce passée et une espérance d'une grâce qui s'en vient, qui est déjà là, mais qui s'en vient. Notre évangile commençait en disant « Voici comment fut engendré Jésus-Christ ». Le mot en grec, c'est le même mot qu'on traduit en français pour dire « Genèse ». Et donc, c'est intéressant, avec Jésus, il y a comme une nouvelle Genèse, c'est-à-dire une nouvelle création. Vous savez que le premier livre de la Bible, on l'appelle comme ça, hein, la Genèse, parce qu'elle parle de comment sont advenus les premiers hommes et leur première relation avec Dieu. Eh bien, avec Jésus arrive comme une nouvelle création, une nouvelle génération, une recréation. Donc, au fond, Noël et la grossesse de Marie avant Noël annoncent une régénération de toute la création, mais de nos cœurs et des cœurs de tous les hommes de bonne volonté, hommes et femmes de bonne volonté. Alors, ici, encore une fois, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Donc, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Par exemple, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. On comprend le pauvre Joseph. Ça a dû être un peu déboussolant, l'annonce de Marie, là. Hein, on s'imagine, il y en a peut-être ici qui sont fiancés, je ne sais pas. Et puis certains sont fiancés puis décident de vivre la chasteté, très bien. Alors, et là, vous arrivez, votre fiancé avec qui vous avez décidé de vivre la chasteté, vous dit, ben, je suis enceinte. Alors, on se met dans la peau de Joseph qui dit, bon, c'est qui m'a dépassé, là? Hein? Et en même temps, Joseph connaissait toute la grandeur de personnalité de Marie, toute sa délicatesse, sa justesse, tout ça. Et il devait être pris dans un énorme dilemme, mais ça se peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, dans ses tourments, il dit, ben, si je la dénonce publiquement, qu'est-ce qui arrive? Elle risque de se faire lapider. Parce que oui, on lapidait parfois des femmes prises en adultère ou des personnes prises en adultère, des hommes. Donc, il dit, ben, je ne vais pas la répudier publiquement, je ne peux pas faire ça. Mais c'est un homme juste, donc il dit, mais je ne peux pas ne rien faire. Donc il dit, ben, je vais en secret, hein, je vais juste dire, ben, je la prendrai pas pour femme, mais extérieurement, il n'y a rien qui paraîtra. L'ange de Dieu ne le laisse pas dans son tourment. Et puis, il vient voir Joseph, il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu vient à sa rescousse et lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Je pense que l'ange le dit et le redit à tout chrétien. Et ici, je fais une petite parenthèse avec nos frères et sœurs chrétiens. Il y en a peut-être même ici dans l'Assemblée qui sont pas catholiques, mais qui sont chrétiens. Et quelquefois, on se dit, mais ouais, je suis chrétien, mais bon, Marie, pas trop, il faut pas trop la prier. Alors, la vision catholique n'est pas de dire que Marie est Dieu. Hein, Marie n'est pas Dieu et je n'adore que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ça, on s'entend. Mais par ailleurs, je peux prier au sens de demander de l'aide à Marie qui est près de Dieu. Et Marie, au fond, lorsqu'on lui demande de l'aide, ne l'oublions pas, c'est toujours la femme enceinte. C'est-à-dire, c'est toujours celle qui porte quelqu'un d'autre de plus grand. Marie est toujours celle qui veut, au fond, me donner Jésus. Donc, je peux, comme Joseph, ne pas craindre de prendre chez moi Marie. Évidemment, Marie n'est pas Dieu, mais elle porte le Fils de Dieu. Elle porte le Sauveur. Et à un moment donné, c'est vrai que Marie va s'effacer un peu hein, devant la mission de son Fils, comme les évangiles nous le montrent. Hein, c'est Jésus qui devient en avant-plan. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Alors, on lui donnera le nom de Jésus. Un petit test, est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Dieu sauve. Très bien. Il y en a quelques-uns qui ont écouté. Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le livre, dans cet évangile aussi, on donne un autre nom à cet enfant. Quel est l'autre nom? Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est-à-dire je suis pas tout seul. OK? Je vais le répéter là. Je suis pas tout seul. Évidemment, quand ça va bien, quand j'ai plein d'amis, ben je sais que je suis pas tout seul. Pas besoin de me le faire dire. Mais si Dieu nous le dit, c'est parce que des fois, ça va pas bien, puis j'ai pas plein d'amis autour de moi. Je suis peut-être dans le fond d'un trou, puis j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Mais dans ce temps-là, me rappeler cette parole-là, je suis le Dieu Emmanuel, le Dieu avec toi, là, ça peut faire du sens. Parce que ça peut m'éviter de sombrer dans la désespérance. Et vous savez que le temps de Noël, souvent, est l'un des temps où il y a le plus grande tentation de désespérance et même d'actes des fois irréparables. Pourquoi? C'est là qu'on réalise parfois que ben, j'ai pas de famille, je suis loin, j'ai pas mes amis, je suis seul, je suis triste. Et ce jour où tout le monde se rassemble, ben moi je me rassemble pas. Et ça fait mal quand on l'éprouve. D'ailleurs, ceux à qui ça pourrait arriver, je fais une petite parenthèse, mais il y a le réveillon de Noël, hein, ici le 24 au soir, donc de grâce, ne restez pas seuls. Mais Dieu lui-même, même lorsque je suis seul, il est là. Mais aussi, je peux dire, ok, ça c'est bien, ça va bien pour qui peut gravir la montagne du Seigneur, celui qui a un cœur pur, aux mains innocentes et ne livre pas son âme aux idoles. Mais moi, je peux peut-être me dire, mais oh là là, Seigneur, ben moi j'ai les mains très impures, j'ai pas du tout, je suis très coupable de plein d'affaires et j'ai livré mon âme à plusieurs idoles. Alors, est-ce que ta parole, Dieu avec nous, veut aussi pour moi? Et c'est là que le deuxième nom est intéressant. C'est quoi le deuxième nom? Dieu sauve. Jésus, Dieu sauve. Tu t'es mis dans le pétrin, mon petit gars, hein? Ouais, tes deux pieds dans... Ouais, jusqu'au cou, hein? Mais c'est pas grave. Je t'aime. T'es l'enfant de mon Père. Je vais te donner ma vie pour toi. Tu vaux la peine. Et mon nom, c'est ma mission. C'est Dieu sauve. Donc, il n'y en a pas de problème, même dans ces situations-là où je me sais coupable, je me sais complice de mal, peut-être que je regrette, ou que je me sais complice de mal que peut-être je regrette pas. Vous savez, ça nous arrive aussi des fois. Vous connaissez saint Augustin qui disait, « Seigneur, aide-moi, donne-moi la chasteté, mais pas de suite. » Des fois, on est un petit peu comme saint Augustin. Hein, on sait qu'on est dans des choses pas tout à fait clean, mais on dit, oh, pas de suite. Ça, je vais me convertir un peu plus tard. Mais, attention, c'est aujourd'hui le moment de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut me consoler, veut me relever. Ce soir sera donné à tous ceux qui le veulent. À l'approche de Noël, traditionnellement, dans toutes les paroisses du monde, il y a un petit effort de conversion. Souvent, on vient déposer à Jésus nos péchés, nos actes ratés. Pas parce qu'on aime ça, mais vraiment parce que Jésus veut nous libérer les épaules de nos fardeaux. Donc ce soir, encore une fois, il y a l'occasion. Il y a des prêtres qui sont là, après moi-même, après la messe jusqu'à 9 heures. On sera encore disponible. Eh bien, n'hésitez pas à inviter Jésus à venir dans notre cœur, dans notre crèche. Il connaît ça, les étables, où il y a d'autres choses que des beaux petits veloutés. Hein. Il y a de la paille dans l'étable, puis on sait il y a du fumier. Ça, il fait pas peur, le Seigneur. Notre fumier intérieur lui fait pas peur. Il veut juste, en tranquillement, amener sa lumière, amener sa paix, amener son espérance et sa joie. Et exercer son nom, Dieu avec nous, Emmanuel, Jésus Sauveur, je viens t'aider, mon petit gars, ma petite fille. Je suis là pour toi ce soir.